Chapitre 15e. Parole d'honneur, dit Rocambole, en guise d'exorde. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment la vertu. Elle a son beau côté. En prononçant cette phrase, il regarda Sir Williams du coin de l'œil et vit l'aveugle hausser légèrement les épaules. Bon, pensa-t-il, il n'est pas changé. Il y a toujours en lui de la ressource, et il reprit, tout haut. Vrai, la vertu dont on fait un usage raisonnable et modéré a bien son mérite. Ainsi, je vois ma sœur, un ange, une perle, mon oncle. Ça est bon, ça est naïf, ça fera tout ce que je voudrais. Son mari, idem. Mais revenons à mon Iliade. Je pleurais si consciencieusement ma mère d'emprunt que je m'acquis du premier coup l'affection et l'estime de ma sœur d'occasion et de son futur. Ce n'était point assez. J'avais l'estime de ma famille. Il me fallait celle du monde. J'allais, au retour du cimetière, provoquer le baron de Chamery-Chamerois. Je me laissais toucher deux fois à l'épaule et au bas-ventre, puis je le couchais tout de son long au moyen de ce fameux coup d'épée des 10 000 francs qu'avait raté sur ton frère. Cependant, le baron n'est pas mort. Il commence à sortir, dit-on. Mais comme on a désespéré de sa vie, l'effet produit a été le même. J'ai été le lion de la saison. La mort de la marquise de Chamery retardait naturellement le mariage de sa fille. Mais en même temps, l'isolement de Blanche, ma jeunesse, qui ne me rendait point un chaperon suffisant pour elle, n'ont pas permis d'attendre l'expiration du deuil. J'ai demandé des dispenses à l'église. Elles ont été accordées, vu l'urgence. Le mariage a été célébré sans pompe, 3 mois après la mort de la marquise, c'est-à-dire il y a 6 semaines. Les fiancés et moi, nous étions en grand deuil, cela faisait très bien. Il a été convenu que Fabien et sa femme habiteraient chez moi jusqu'à la fin du deuil. À cette époque seulement, Fabien ira prendre possession de l'hôtel qu'il a acheté rue de Babylone et qui a justement appartenu autrefois à une femme à la mode dont tu dois te souvenir, la baronne de Sainte-Luce. Le soir du mariage, il n'y eut à l'hôtel de Chamery ni dîner ni réception. Le lendemain, nous sommes partis tous les trois pour notre terre encore indivise de l'Orangerie, où nous avons passé 15 jours. Précisément, j'en étais de retour depuis une huitaine lorsque je t'ai retrouvé. Or, mon bonhomme, depuis un mois que ma sœur est mariée, je mène un peu bien la vie de garçon et je me produis dans le monde. Nous entrons comme chez nous chez le duc de Salandrera, un Espagnol, qui a des millions à Cuba et une fille dont un imbécile serait amoureux. Moi, je veux l'épouser. Un léger mouvement de Sir William s'apprit à Rocambole que son professeur le trouvait ambitieux. Mais Rocambole ne s'en émut point et continua. Le duc de Salandrera est un homme de 50 ans qui sent d'une lieue son gentilhomme. À son immense fortune, il joint des capacités politiques. Il est député au Cortés. Comme il a une fille unique et que son nom s'éteint avec lui, il a l'intention d'obtenir de la reine, en mariant Mademoiselle Pepita Dolores Concepcion, l'autorisation de transmettre à son gendre ce nom, sa grandesse et son titre de duc. Hé hé ! S'interrompit Rocambole. Me vois-tu dans quelque temps, mon cher oncle ? Duc de Salandrera, grand d'Espagne et ministre plénipotentiaire quelque part. Un frémissement de narine approbateur échappa à Sir Williams. Rocambole poursuivit. Mademoiselle Concepcion m'accueille favorablement. Je crois qu'elle m'aime. La duchesse sa mère me trouve charmant, pour des motifs que je t'apprendrai en temps et lieu. Mais je n'ai pas fait la conquête du duc, au point de vue du mariage, du moins. Seulement il peut se faire que j'évente une piste. Que je réunisse un faisceau de souvenirs peu agréables au duc, comme un arrière-goût de sa jeunesse et de ses folies de garçon. Tu comprends, mon oncle ? Oui, fit le hochement de tête de Sir Williams. J'ai 2 grandes affaires en train. L'une pourrait me conduire au dénouement de l'autre. Mon cher beau-frère Fabien est, à son insu, menacé d'un héritage de 200 000 livres de rente. J'ai des projets là-dessus. Mais nous en causerons plus tard. Maintenant, parlons de toi, ou plutôt de tes ennemis, qui sont aussi un peu les miens. Tu comprends que depuis 3 mois, j'ai pris mes renseignements. Sir William s'agita convulsivement dans son fauteuil. Tu dois penser, continua Rocambole, que fidèle à l'adage « à tout seigneur, tout honneur », j'ai eu la curiosité de savoir ce que devenait ton cher frère, le comte de Kergaz. Rocambole observa Sir Williams. Il vit sur ce visage, que le regard n'éclairait plus, se peindre une expression de haine féroce, et glisser ce cruel sourire où se révélait toute son âme. Armand continue à jouir d'un bonheur insolent. Il est toujours philanthrope, toujours aimé de sa femme et de son fils. Notre chère Baccara est devenue la comtesse Artoff, mais cette union est presque un mystère. Le nom de Baccara produisit sur Sir William une impression mélangée de haine et d'effroi. « Ah !» dit Rocambole, « on voit que tu te souviens du Fowler. Et avant de t'en dire davantage sur elle, je vais te donner un conseil. » L'aveugle demeura immobile, mais la curiosité se peignit sur son visage. « Ta haine pour ton frère, reprit le faux marquis de Chamery, a été ta perte 2 fois de suite. À ta place, je laisserai M. de Kergas tranquille et ne m'occuperai que de Baccara. Ah, celle-là, vois-tu, nous pouvons lui faire une bonne petite guerre, car elle me gêne dans mes projets sur Mademoiselle Concepcion de Salandrera, comme elle m'a gêné autrefois quand j'étais le vicomte de Cambol. Et ce qu'il y a de bizarre, à Chevarot Cambol, c'est à son insu, et qu'elle est à mille lieues de penser que sa présence à Paris est fort nuisible au marquis de Chamery. Comment Baccara pouvait-elle à son insu entraver les projets de Rocambole? Comment était-elle à Paris? Quelle existence y menait-elle? C'est ce que nous allons bientôt vous dire. Le soir de ce jour, l'aveugle Sir Williams, sous le nom de Walter Bright, fut installé à l'hôtel de Chamery, rue de Verneuil. Le duc de Salandrera, dont avait parlé Rocambole, habitait la rue de Babylone, dans un hôtel qui avait longtemps appartenu à Lord L., ce sportsman célèbre dont tout Paris se rappelle les nombreuses excentricités. Cet hôtel était situé tout à côté de l'hôtel Sainte-Luce que venait d'acquérir le vicomte Fabien Lamolle, conseillé en cela par son beau-frère, le marquis de Chamery. Le marquis avait eu sans doute ses vues secrètes. Or, le duc de Salandrera, qui habitait Paris depuis environ 3 ans, avait dépensé des sommes considérables dans son hôtel et il en avait fait une merveille. La partie la plus coquettement fastueuse, la plus soignée, la plus artistique dans ses moindres détails d'ornementation et d'ameublement était sans nul doute le second étage tout entier réservé à Mademoiselle Pepita Dolores Concepcion. La fille unique du duc avait conçu, ordonné, le père avait payé. Monsieur de Salandrera, grand seigneur, dans la plus complète acception de ce mot, comprenait fort largement le faste et l'élégance, mais il manquait parfois de goût, et si Mademoiselle Concepcion s'était chargée de l'inspirer, bien certainement le bel hôtel de la rue de Babylone n'eût point été considéré comme une merveille de luxe délicat et bien entendu. Mais Mademoiselle Concepcion était artiste. Elle peignait, en véritable élève, des Murillo et des Velázquez. Elle avait étudié l'architecture mauresque à l'Alhambra. Qu'on nous permette une rapide silhouette de ce nouveau personnage de notre histoire. Concepcion avait 19 ans, mais les chaudes brises et le soleil de son pays l'avaient si hâtivement mûri qu'on lui en eût aisément donné 23 ou 24. Mademoiselle de Salandrera était née à Séville. Elle était belle comme Andalouse et ne peut l'être davantage. Elle avait cette taille flexible aux ondulations mystérieuses que les Espagnols traduisent par le mot de mencho. Ses cheveux noirs de jais, ses yeux d'un bleu sombre et verdâtre comme le bleu de la mer Méditerranée, ses lèvres d'un rouge vif comme du carmin, d'adorables petites mains, un véritable pied d'Andalouse, faisaient de Mademoiselle Concepcion une de ces beautés caractérisées, résumant un type, comme on dit dans la langue des arts, qui l'avait fait remarquer de tout Paris. La première année que la jeune Espagnole avait paru dans le monde parisien, son immense dot aidant, elle avait été accablée de demandes en mariage. Comtes, marquis, barons, hauts financiers, grands industriels étaient entrés en lice. Mais Mademoiselle Concepcion n'avait abaissé ses regards sur aucun, et le duc de Salandrera, son père, avait poliment y conduit tous les soupirants. L'Andalouse avait formellement annoncé qu'elle avait à peine 16 ans et qu'elle ne voulait point se marier encore. Du reste, le duc et la duchesse, qui avaient 35 ans à peine, étaient irlandaises et encore fort belles, avaient adopté pour leur fille l'éducation anglaise. Concepcion vivait à Paris comme une jeune miss qui ne doit compte de ses actions qu'à elle-même. Elle montait à cheval le matin accompagnée d'un seul domestique. Dans la journée, elle sortait en Victoria ou en coupé et s'en allait toute seule avec ses gens faire des emplettes ou étudier au Louvre où elle prenait des copies. On l'avait vue plusieurs fois aux courses, à la marche ou à Chantilly, conduisant elle-même à grande guide un break à 4 chevaux. Bref, Mademoiselle Concepcion était une lionne. C'était un matin au bois qu'elle avait fait la connaissance de celui que tout Paris prenait pour le marquis de Chamery. Rocambole faisait le tour du lac au petit pas d'un superbe alezan brûlé, qu'il maniait du reste avec une grâce sans pareille. Arrivé près de la cascade, il aperçut une amazone montant un très beau cheval arabe blanc comme neige. Le cheval, effrayé par le bruit de la cascade, se cabrait, voletait, reculait et donnait tous les signes d'une terreur profonde. L'amazone luttait avec une grande énergie contre l'animal, et peut-être fut-elle parvenue à le dompter si un accident, heureusement fort rare dans les fastes de l'équitation, ne fut survenu. La bride se rompit. Alors le cheval, fou d'épouvante et ne se sentant plus maîtrisé par le mort, fit volte-face et s'élança au galop, emportant l'amazone, à qui toute résistance était désormais impossible. Précisément, Rocambole arrivait en sens inverse. Il voulut mettre son cheval en travers et arrêter l'amazone, mais le cheval effrayé fit un bond de côté et passa outre. Alors Rocambole pressa le sien, se lança à sa poursuite, l'atteignit au moment où le cheval, dont la terreur augmentait, allait se précipiter tête baissée dans le lac, et d'un bras vigoureux, il enlaça l'amazone et l'enleva de sa selle, tandis que le cheval tombait à l'eau. Cette amazone était Mademoiselle Concepcion. Elle remercia chaleureusement son sauveur, lui demanda son nom, et apprit qu'elle avait affaire au marquis de Chamery. Le lendemain, le duc de Salandrera alla lui-même faire une visite à Rocambole, et le remercia chaleureusement. 8 jours après, Rocambole fut invité à un bal que donnait le duc en son hôtel de la rue de Babylone. 15 jours après, il y dîna. Dès lors, les vues ambitieuses du faux marquis de Chamery prirent leur essor. « J'épouserai Concepcion, se dit-il. » Peut-être maître Rocambole était-il bien hardi, comme nous allons le voir en le suivant le lendemain de l'installation de Sir William chez lui jusqu'à l'hôtel du duc de Salandrera. Ce fut vers 3 heures que le phaéton du marquis entra dans la cour. En passant les rênes à son groom, Rocambole aperçut, rangé près du perron, un élégant tilbury qu'il reconnut sur le champ. « Oh oh !» se dit-il, « Don José, mon rival, fait sa cour à ce qu'il paraît. » Et il fronça légèrement le sourcil. Un laquais vint recevoir monsieur le marquis de Chamery. « Monsieur le duc et madame la duchesse sont sortis, » dit-il, « mais mademoiselle est dans son atelier. » Rocambole fit un signe affirmatif et suivit le laquais. Mademoiselle Concepcion était en effet dans son atelier, le pinceau à la main. Don José, assis à quelques pas, lorgnait le tableau commencé. En voyant entrer le marquis, Don José eut un froncement de sourcils semblable à celui qu'avait Rocambole en apercevant le tilbury de l'Hidalgo. Mais cette marque d'antipathie eut à peine la durée d'un éclair. Les deux hommes se saluèrent avec courtoisie, après que Rocambole se fut méthodiquement incliné par 3 fois devant la jeune Espagnole qui lui tendait la main à l'anglaise. « Bonjour, lui dit-elle, vous êtes véritablement bien aimable d'être monté jusqu'ici. Vous allez nous mettre d'accord, mon cousin Don José et moi. » Le marquis eut un fin sourire. « Dais-je donc remplir le rôle de Thémis ? » demanda-t-il. « Peut-être. Voyons, mademoiselle, de quoi s'agit-il ? Don José et moi, nous avons une discussion tout artistique. Don José prétend que l'école flamande est supérieure à l'école espagnole. Et vous ? Moi, en vrai andalouse que je prétends le contraire. « Diable ! » fit Rocambole en souriant. « Quel est votre avis, marquis ?»« Mais, » répondit ce dernier, « il m'est impossible de me prononcer ainsi sur le champ. En vérité, vous le comprenez comme moi, mademoiselle, quand vous saurez que Don José et moi, nous avons été rivaux. » Un subit incarnat monta au front de mademoiselle Concepcion. « Oh, rassurez-vous, » dit Rocambole, à qui ce trouble n'échappa point et parut d'un bon augure. « Il s'agissait d'un combat très pacifique. Vous vous êtes battu ?»« Par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, » dit Rocambole. « Ah, et comment ?» C'était avant-hier à la vente de la galerie du marquis de A, dont José et moi nous nous sommes disputés un ruisse d'aile. Oh, avec un acharnement, dit Don José. Qui de la part de votre serviteur n'était que de l'entêtement et de celle de Don José à une véritable passion? Et quel est le vainqueur? Ah, dame, fit modestement le marquis. Don José était convaincu. Moi, je ne croyais pas. La foi l'a emporté sur le scepticisme. Eh, me dit alors Concepcion. « Voici la question jugée, marquis. Vous préférez l'école espagnole à l'école flamande ?»« Peut-être. »« Peut-être, observa Don José avec impertinence, le marquis n'est-il pas peintre ? Oh, pas plus que vous, dit Concepcion. Et puis elle posa son appui main et sa palette et vint s'asseoir sur un tête-à-tête en face du marquis, s'éloignant ainsi de Don José qui se mordait les lèvres. « Savez-vous, monsieur le marquis, lui dit-elle, que j'ai vendu Ibrahim, votre cheval arabe ? Oui, cette affreuse bête qui m'aurait fait tuer si vous n'étiez venu à mon secours. Ah, mademoiselle, je l'ai vendu à Camille d'Ornay, ce banquier de 25 ans qui a les plus belles écuries des Champs-Élysées. Combien ? Demanda Rocambole. 7 200 francs. C'est pour rien. Oh, pour rien, dit Don José, allongeant sa lèvre inférieure et se rapprochant de Concepcion. Je trouve que c'est fort cher, moi. Concepcion laissa bruire un frais éclat de rire entre ses lèvres. Monsieur le marquis, dit-elle en montrant Don José, je vous présente l'homme le plus ignorant de la terre en connaissance hippique. Mon cousin est de force à prendre un cheval anglais pour un normand croisé de percherons, et il trouve que pour 1 200 francs, on doit avoir tout ce qu'il y a de bon, de joli et de distingué. Si je ne m'étais mêlé de son écurie, vous le rencontreriez attelant un gros Mecklembourg à son Tilbury et montant au bois quelques chevaux de fiacre qu'on lui aurait vendu pour 200 francs. Don José écouta sans dire un mot cette raillerie et se contenta de répondre « Ma cousine est en belle humeur. Elle se moque de moi de bon cœur. » « Mais non, répliqua Concepcion, je dis la vérité. » Et comme s'il ait eu la tâche de flageller Don José devant M. de Chamery, elle railla l'Espagnol sur sa maladresse de chasseur comme elle avait raillé sur son peu d'aptitude en sport. Rocambole était ravi. Seulement, en homme parfaitement élevé, il prenait le parti du jeune Espagnol, taxait Concepcion de peu d'indulgence et triomphait complètement en forçant son rival à accepter de lui aider secours. Don José demeurait impassible et acceptait les persiflages de Concepcion avec une bonne humeur, une indifférence parfaite. Cependant, une ou deux fois, l'œil froidement observateur de Rocambole saisit au vol un regard de fureur concentré que Don José jetait à sa cousine. En même temps, il lui sembla que Concepcion pâlissait et éprouvait, sous le poids de ce regard, un malaise, un embarras, que ne dissimulait qu'imparfaitement sa gaieté apparente et ses éclats de rire moqueurs. « Oh ! Se dit-il, est-ce que Don José serait le maître qui s'impose dans l'ombre et Concepcion l'esclave qui obéit ? Depuis longtemps, le prétendu marquis de Chamery nourrissait l'espérance d'un tête-à-tête avec Concepcion. Il espérait même, ce jour-là, voir partir Don José. Mais Don José paraissait disposé à ne point lui céder la place. Les deux jeunes gens passèrent près de 2 heures dans l'atelier, déterminés tous deux sans doute à ne point laisser le champ libre à son rival. Concepcion devina cette résolution sur le champ. Alors sa gaieté tomba, son sourire disparut, elle devint rêveuse, et la conversation, fort animée d'abord, s'éteignit peu à peu. Tout à coup, Don José tira sa montre. Rocambole eut l'espoir qu'il allait se récrier sur leur avancée et partir. Mais Don José dit à Concepcion « Mon oncle est sorti ?»« Oui. »« Rentrera-t-il pour dîner ?»« Sans doute. »« Alors je l'attendrai. »« Je dînerai même ici. »« J'ai de graves nouvelles à lui donner. » Concepcion tressaillit et Rocambole la vit pâlir. « Des nouvelles de Cadiz ?» acheva Don José d'une voix qui parut mordante, cruelle, implacable à Rocambole. En même temps, il lui sembla que Mademoiselle Pepita Dolores Concepcion de Salandrera, chancelait, était près de se trouver mal. « Oh oh !» pensa le faux marquis de Chamery. « Il me semble que voici un coin de mystère. » Le mystère a nom Cadiz. »